Je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important. Parce que si vous inversez ces deux sons, comme vous venez de le faire quand vous avez dit « hables » au lieu de « hablas », ça devient un ordre en espagnol. Ça devient de l'impératif. Par exemple, si vous voulez dire « parler espagnol avec elle », c'est un ordre adressé à « usted », « parler ». Alors, on intervertit les deux sons clés. On passe, après la syllabe accentuée, du « a » au « e » ou du « e » au « a ». Alors, « parler espagnol avec elle » se dira « hablé ». Encore une fois. « Hablé ». Oui, dites-le à nouveau. « Hablé ». D'accord, c'est bien. Donc, « parler espagnol avec elle », ça sera « hablé espagnol con ella ». C'est bien ça. « Hablé espagnol con ella ». Parler espagnol avec elle. Comment direz-vous « acheter le livre » ?« Compré ». Compré, oui, acheter le livre. El libro. El libro. Acheter le livre. Compré el libro. Très bien. Bien. El libro, c'est le livre. C'est presque le même mot qu'en français, mais ça s'écrit avec un B et non un V, comme dans le mot libraire. Donc, libro, L-I-B-R-O. Si vous voulez dire ce livre, se dit este. Donc, este libro. Este qui s'écrit E-S-T-E. On emploie este avec un nom masculin, c'est-à-dire avec un nom qui va avec l'article el. Comme c'est le cas de libro, el libro. Et on emploie esta si c'est un nom féminin, c'est-à-dire avec un nom qui va avec l'article la. Comme on avait vu avec esta noche, cette nuit, ce soir, esta noche, ou bien esta casa, cette maison. Donc, si c'est féminin, c'est esta. Mais si c'est masculin, comme le livre, el libro, c'est este. En espagnol, il existe une autre manière de dire ce, cette. C'est ese. Et esa. C'est-à-dire la même chose que este et esta, mais sans le t. Este et esta sont employés pour parler de quelque chose qu'on peut montrer du doigt, ou qui est proche dans l'espace ou dans les temps. Tandis que on va employer ese et esa pour parler de quelque chose de moins proche, de plus éloigné. C'est un peu comme la différence en français entre ce livre-ci, este libro, celui-ci, et ce livre-là, ese libro, celui-là, entre cette maison-ci, esta casa, celle-ci, et cette maison-là, esa casa, celle-là. Et de la même manière, pour dire cela, ça, on dit esto. Je veux voir ça. Quiero ver esto. Je vais acheter ça. Voy a comprar esto. Mais si vous voulez dire je veux voir ça, en parlant de quelque chose d'éloigné, par exemple de ce livre-là, de cette maison-là, alors je veux voir ça, ça sera quiero ver eso. Eso. Quiero ver eso. C'est ça. Donc, on enlève le T de esto. On passe de esto, qui désigne ça, ceci, à eso, qui désigne ça, cela. Encore une fois, comment direz-vous? Pourquoi est-ce que vous n'achetez pas ce livre? Porque no compra. Oui, encore une fois. Porque no compra. Porque no compra ce livre? Este libro. Libro, este libro, d'accord. Porque no compra este libro? Et comment direz-vous acheter ce livre, ce livre-là? Compré. Oui, dis-le à nouveau. Compré. D'accord. Es, eso. Non, non. Eso, c'est ça tout court. Hein? Mais ce livre-là se dit... Ese... Ese... Libro. Exactement. Hein? Compre ese libro. C'est un ordre. Et donc, vous employez l'impératif. Acheter. Et vous passez donc de compra à compre. Il ne l'achète pas. Elle no lo compra. Oui, encore une fois. Elle no lo compra. Elle no lo compra. Hein? No lo compra. Comment dites-vous « ne l'achetez pas » ?« No lo compre ?» Bien. Donc, vous voyez l'importance de l'emploi de « a » ou « et ». La différence ici entre « no lo compre », qui veut dire « ne l'achetez pas », un ordre, un impératif, et « no lo compra », vous ne l'achetez pas ou il ou elle ne l'achète pas, au présent. Vous voyez là la différence fondamentale entre « no lo compra » et « no lo compre ».